J'avais proposé parler des évêques à la cour du roi entre le final du 15e et le final du 6e siècle, et je me concentrerai seulement dans la première moitié du 6e siècle. Donc, après 1501, le roi Manuel Ier choisissait en autonomie les évêques du royaume du Portugal aussi bien que ceux de l'Empire. La nomination des évêques par la couronne fut une des lignes principales de la politique royale, une politique cohérente qu'envisageait la limitation des pouvoirs de l'Église et la domination de l'élite cléricale. Cette stratégie avait finalité précise, contrôler et bénéficier des ressources économiques de l'Église, limiter la capacité d'interférence de Rome sur les affaires de l'Église portugaise, obtenir l'accord et l'appui de Rome au niveau des politiques d'expansion ultramarine et utiliser en faveur de la monarchie le pouvoir religieux et le savoir juridique, théologique et politique d'une élite ecclésiastique. En conséquence, entre 1505 et 1517, la couronne a obtenu de la part du Saint-Siège importantes concessions négociées par des représentants ou bien ambassadeurs du roi, quelquefois évêques. Entre eux, le droit de patronage sur tous les territoires découverts et conquistés par les Portugais d'ailleurs, la domination par le roi des trois ordres militaires, le pouvoir conféré au roi pour éléger tous les prélats des principaux monastères du Portugal. En même temps, la couronne a augmenté sa capacité de domination sur l'Église portugaise. Dans ce domaine, la monarchie portugaise a réussi à augmenter les pouvoirs de juridiction du grand chapelain de la chapelle royale sur tous les ecclésiastiques qui étaient au service du roi. Elle a enrichi la chapelle royale et son splendeur cérémoniale et a limité la concentration de propriétés dans les mains d'ecclésiastiques. Cette politique fut continuée et approfondie par le fils de Manuel, Jean III, qui a promu la réforme des ordres religieux, a réorganisé la géographie diocésaine, a créé l'Inquisition et un tribunal et conseil spécial pour les affaires de religion qui, au Portugal, s'appelait la table de la conscience. En fonction de la réformation du système d'élection de l'épiscopat par le roi, les évêques en général étaient des créatures au service du monarque, comme a été souvent reconnu par l'énonce papale. D'après l'évaluation de ceci, dans les années 40, les évêques étaient contrôlés par le roi et ils avaient une relation froide et pas de soumission avec Rome. Dans cette conjoncture, c'est-à-dire entre la fin du 15e et la première moitié du 6e siècle, la couronne a aussi approfondi un processus de construction d'État. L'application de cette ligne a aussi bénéficié de l'accord et participation des prélats d'État, pour utiliser une expression de Cédric Michon. Cette voie de domestication de l'Église et d'affirmation de l'État ont contribué à l'émergence d'un groupe d'évêques qui vivaient grand part du temps à la cour et que le roi récompensait par leur service. Et une des meilleures récompenses que ces clercs puissent obtenir, c'était précisément sa promotion à une mitre. On peut les appeler évêques de cour. Cette proximité entre roi et évêque de cour peut être constatée en certaines formes décoratives même des palais royaux. Par exemple, en 1518, à son palais de Sintra, près de Lisbonne, Manuel Ier a ordonné la peinture des symboles héraldiques des principaux personnages de la cour. Là se peuvent observer les armes de l'évêque de l'Algarve et aussi de Dom Miguel da Silva, ambassadeur à Rome et plus tard évêque de Viseu, et de Jorge de Melo, abbé du monastère d'Alcobaça, membre du conseil du roi et à ce temps évêque élu de la garde de Guarda. Je dois souligner que je ne fais pas une nette distinction entre clerc de cour et clerc d'État, comme proposé par Pierre Benoît, qui a suggéré appeler clerc de cour à ceux qui ont une intervention plus informale du point de vue politique et clerc d'État, ceux qui avaient une place plus institutionnelle. Et je ne fais pas cette distinction parce que au Portugal, on a des clercs qui sont du service, disons, privé du roi, comme confesseur, prédicateur, aumônier, doyen de la chapelle royale, mais simultanément, ils sont aussi évêques et sont aussi membres qui intègrent les conseils et les tribunaux de la couronne où se prennent les principales décisions politiques. Donc, c'est sur ce groupe, les évêques qui se trouvent prochains du roi à la cour, ou qui sont au service du roi ailleurs, ces caractéristiques, ces fonctions dans ce système dont je parlerai. Je le ferai en 6 étapes. Premier, une brève caractérisation sociologique du groupe. Après, la question de la nomination d'enfants de la famille royale comme évêque. Un troisième volet pour analyser le cérémonial de la cour. Quatrième, les principales fonctions de l'évêque de cour. Cinquième, la cour comme un espace vivant. Et sixième, ce que j'ai appelé la fin d'un cycle. Donc, d'abord, une très brève et simplifiée caractérisation sociologique de cet univers de prélats de cour. Manuel Ier a nommé 17 évêques et son fils jusqu'à 1552 seulement, plus 27. De ces 44 évêques, on peut assurer que 30, c'est-à-dire presque 70%, ont exercé activité à la cour et au service du roi. De ces 30, la plupart étaient originaires de la noblesse. Peu d'entre eux de la noblesse avec titre. Mais il y en avait aussi des fils illégitimes de clercs, ou même de la famille royale, et quelques fils de lettrés. On constate aussi une prédominance du clergé séculaire, 22, contre seulement 8 clercs réguliers. 66% avaient aussi une bonne formation académique, c'est-à-dire une graduation en théologie, 11, au droit, 9, et du moins 8 de ces 30 ont étudié à l'étranger, en université et collège d'Italie, Espagne et France. C'était donc une élite lettrée, et quelqu'un ont été véhicules de la circulation de nouvelles courants de pensée liés, par exemple, au humanisme italien ou au érasmisme au Portugal. Donc, passons maintenant à un aspect central pour souligner tout d'abord un point très important et je crois que original de la stratégie de la couronne portugaise pour mieux dominer l'Église et ses revenus, c'est-à-dire la décision prise par Manuel Ier et poursuivie par son fils Jean III d'obtenir des mitres pour les enfants de la famille royale. Fut le cas de Afonso, choisi en 1516 pour devenir évêque de Guarda, quand il avait seulement 7 années, et un an après, il était déjà cardinal. Plus tard, aux années 20, son frère et roi, Jean, l'a nommé évêque d'Évora et en même temps archevêque de Lisbonne, deux des majeurs, des plus importants diocèses portugais. Il était le seul cas pendant toute la première moitié du Xe siècle d'un personnage qui a accumulé le gouvernement de deux diocèses au Portugal. Après lui, son frère Henri fut aussi évêque et cardinal aussi, par choix de Jean III. Et le même roi a aussi choisi un fils illégitime pour archevêque de Braga, en 1542, la plus importante diocèse portugaise. Ce système fut aussi utilisé pour que le roi puisse administrer les revenus de ses diocèses pendant la minorité des enfants. L'éducation et apprentissage du métier d'évêque par Afonso, par exemple, fut aussi faite avec l'appui de certains évêques de cour qui l'accompagnaient pendant sa minorité. C'est un premier signal de l'appui que ces évêques de cour donnent au roi. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Commençons par le cérémonial de cour. En 1502, on signale la présence de tous les évêques du royaume, sans exception, dans la cérémonie d'acclamation du nouveau prince à Lisbonne. En 1532, les frères évêques du roi se trouvaient à son côté dans une magnifique procession réalisée à Lisbonne, destinée à prier en faveur des triomphes militaires du roi aux terres de l'Empire. En 1545, on trouve 11 évêques, au Portugal il y en a 3 diocèses, à la cour du roi, à Évora, pour participer à l'entrée solennelle du nonce du pape Giovanni Ricci dans la cité. Ces évêques de cour sont aussi notés au mariage du roi, baptême de prince, funérailles de membres de la famille royale, messe à la chapelle royale. En plus, ils y assument un rôle décisif. Ce n'est pas seulement une présence physique pour conférer plus de dignité à la cérémonie. C'est-à-dire, en général, ont été ces évêques, surtout les plus anciens, ou bien plus les plus prestigieux ou favoris du roi, à célébrer ce type de hâte. Sur le plan de la participation des évêques dans le cérémonial aulique, les fils de Manuel Ier et après 1521, les frères du roi Jean III, c'est-à-dire Afonso et plus tard Henri, ont assumé un rôle vraiment spécial. Afonso, en décembre 1521, avait une chaire richement ornée à côté du trône du roi pendant la cérémonie de son acclamation comme roi du Portugal. Et c'était lui qui l'a reçu et blessé avec de l'eau bénite quand il est arrivé au couvent de San Domingos à Lisbonne, l'église choisie pour l'événement. À côté d'Afonso, attendait le roi aussi l'évêque d'Évora, à ce temps-là, un des plus anciens évêques du Portugal et aussi bien d'autres prélats. Le même Afonso était assez près du roi en 1532, au moment de la réception de l'ambassadeur de France, Honoré de Quay. L'ambassadeur fut mené à la présence du roi, accompagné par l'évêque de Lamego et membre de son conseil. Cette même année de 1532, le cardinal Afonso a autorisé le nonce papal, quand il est arrivé au Portugal, à séjourner à son palais, où il faut richement traiter, une autre forme de service à la couronne. Et en quelques rares occasions, Afonso était une des peu personnes qui avait l'exclusif de manger à la même table du roi. Quand le roi mangeait en public, disons. Cette position privilégiée des évêques, enfin, de la famille royale, doit être interprétée aussi comme un signal de distinction de la monarchie portugaise. Il faut aussi noter que, surtout au temps de Manuel Ier, le roi, parfois, donnait des présents, comme manteaux, robes et autres choses, à ses évêques, pour qu'il puisse se présenter publiquement avec toute dignité et opulence, créant une image de richesse et catholicité de la cour et du roi. Les évêques, par contre, avaient aussi une petite cour personnelle pour augmenter son prestige à la cour du roi et, indirectement, celui du roi. C'était le cas de Miguel da Silva, écrivain de Jean III et évêque de Viseu entre 1525 et 1540, que résidait la majeure part du temps à la cour. On sait qu'il exigeait au chapitre de sa diocèse l'envoi dit au moins de chanoines pour l'accompagner dans le service de cour. Le service des évêques de cour n'était pas limité au cérémonial, bien sûr. Ils ont été utiles en beaucoup d'autres plans décisifs pour la construction de l'État. Plusieurs ont été ambassadeurs. On pourrait fournir des exemples d'ambassades de duration plus longue ou plus courte en Espagne, France, Angleterre et surtout à Rome, bien sûr. Un bon exemple, c'est l'ambassade de Gonçalo Pinheiro, juge du tribunal de la cour, du conseil du roi et évêque de Safin au nord d'Afrique. Ça, c'est une autre caractéristique très intéressante de l'utilisation par le roi des évêques, l'utilisation surtout des évêques de l'Empire pour le service direct du roi. Ils ne vont jamais au diocèse, ils sont toujours près du roi. Entre 1536 et 1544, ce Pinheiro a séjourné en France pendant 8 ans avec la mission de résoudre les problèmes des disputes sur le Brésil entre la couronne de France et la couronne portugaise. Comme ambassadeur, ces évêques donnaient au roi beaucoup d'informations sur la politique, la religion, la guerre, l'économie et la vie des différents cours, surtout en Castille et Rome. En même temps, ils se sont servis aussi de ces positions pour obtenir des avantages personnels, comme bénéfices ecclésiastiques de nomination papale, quand ils sont à Rome, où il cherchait aussi des bonnes relations avec cardinaux. Quelqu'un a même utilisé ses positions pour faire commerce privé. C'était le cas de Martinho de Portugal. En 1532, quand il a parti pour Rome avec la mission principale de négocier la création de l'Inquisition, il a transporté aussi épices orientales pour les vendre à Cité des Papes. Et dans quelques lettres qu'il a écrit pendant sa période, il ne parle pas comme un clerc, comme un évêque. Il est l'archevêque de Funchal, là, dans la Madeira. Son discours et façon de penser sont ceux d'un politique et d'un homme d'affaires. Ces prélats de cour, d'une forme plus informale ou formale, contribuaient à former aussi l'opinion du roi en matière très diversifiée. Et ces idées ont été souvent tenues en compte avant que se prennent des décisions. Aucune ont même été identifiées par qui connaissait les mécanismes de décision de la couronne comme très proches du roi et décisifs. C'était le cas d'un certain Pedro Gavião, évêque de Guarda après Cancin, et une des, je cite, « personnalité politique plus importante » à côté de Manuel Ier jusqu'à 1516. Il avait étudié en Italie, était lié à la maison du roi, à la maison familiale du roi, et a servi comme juge au tribunal central de la cour, après fut nommé chapelain du roi et évêque de Guarda. En 1512, le roi a même eu l'intention de le faire cardinal, mais le pape l'a refusé à ce moment. Ambassadeur et nonce signalent souvent la force et prestige d'autres évêques. En 1528, l'ambassadeur de Castille dit qu'un certain Braz Neto, évêque de Caver, était le lettré de qui le roi se sert plus. 4 ans après, en 1532, le nonce notait le grand crédit de Miguel da Silva en la majeure part des affaires que se décident à la cour. C'est-à-dire, en différentes conjonctures, il y en avait des différents favorites, disons, d'évêques favorites du roi. En certains moments, on s'aperçoit aussi du poids effectif que ces évêques avaient et de la confiance que le roi faisait d'eux. Par exemple, en 1517, quand Manuel Ier a fait son testament, le prince héritier avait seulement 15 années. Et donc, son père a ordonné la formation d'un conseil spécial, privé, disons, qui devait aider le futur jeune roi dans les premières temps du gouvernement. Ce conseil devait être composé, d'après la volonté du roi, par 4 personnes, dont 2 étaient des évêques. On vérifie aussi qu'aucun de ces clercs ont conscience de son pouvoir et de sa capacité d'interférer sur les décisions royales. Aux années 30, on constate par exemple l'émergence d'un groupe cohérent et très influent de clercs, et beaucoup d'eux sont évêques près du roi. Il a été bien signalé par Giuseppe Marcocci, qui l'a appelé à ce groupe les théologues de cour. Ils ont été liés à la création de l'Inquisition, à la transformation des voies humanistes et erasmistes de la culture portugaise des années 20-30 vers une culture plus fermée, scolastique et plus préoccupée avec la préservation de l'orthodoxie catholique. Ils ont défendu une relation de plus autonomie vers Rome et ont aussi proposé la création, en 1532, d'un nouveau conseil et tribunal de la couronne, ce que j'avais déjà mentionné, la table de la conscience du roi. Une institution qui deviendrait centrale pour la définition de la politique culturelle et religieuse du royaume et qui était une spécificité du Portugal. Et que, d'une certaine façon, c'est une institution qui a opéré une fusion entre la vie politique et ecclésiastique qui a caractérisé pendant plusieurs années l'histoire du royaume et de l'empire portugais. Parce que ces théologiens de la cour ont aussi produit une réflexion théorique sur la légitimité des conquêtes portugaises et ont guidé la conscience et les choix du roi en concernant les affaires de l'Empire. Il y en avait aussi des évêques que, dans sa qualité de juge du tribunal supérieur de la cour, peuvent faire recommandations dans un champ fondamental de la vie de l'État, la distribution de grâces royales, c'est-à-dire la capacité du roi pour récompenser ceux qui font des services à la couronne, aspect absolument central du système de fonctionnement de l'État moderne au Portugal. En plus, surtout à partir des années 50, quelques de ces évêques commencent à participer régulièrement au Conseil d'État. Les évêques de cour peuvent aussi exercer pression sur le confesseur ou les prédicateurs du roi. En 1525, celui de l'Algarve s'adressait au confesseur du roi, à ce temps lui-même un évêque, pour lui dire que les rois jeunes devaient écouter les courtisans plus âgés et que le confesseur, qui était aussi un maître spirituel, doit aussi guider en matière politique le roi, le pressant à faire des réformes du gouvernement et à créer nouveaux conseils, un de justice, un autre de finance et un troisième conseil pour les affaires de l'Inde. Ça veut dire qu'il était un défenseur de ce qu'on pourrait caractériser comme une voie de théologisation de la politique. La guerre et la politique d'occupation de certaines régions du nord d'Afrique étaient aussi sujet de considération pour les évêques. en 1534, par exemple, le roi, avant de décider la stratégie à suivre au nord de l'Afrique, en quelques places du Maroc, a écouté plusieurs évêques. Aucune ont même révélé connaissance profonde de la guerre. Et un d'entre eux, celui de l'Algavre, a même reconnu d'avoir participé en personne à certaines campagnes militaires de défense de son territoire. La vie culturelle, en général, création de collèges, fonctionnement de l'université, choix des maîtres des enfants de la famille royale, invitation d'humanistes et autres lettrés pour venir au Portugal, ont été aussi un champ d'intervention de ces évêques de cour. On connaît cas d'évêques qui ont été même enseignants des enfants de la famille royale. Et pour ce mécanisme, ils exerçaient une grande influence sur les futurs monarques. C'est le cas de Diego Ortiz de Villegas, qui, déjà comme évêque de Viseu, fut nommé par Manuel Ier maître de grammaire et doyen de la chapelle du prince Jean, que deviendra roi du Portugal. Et son neveu et homonyme fut maître des frères du prince à partir de 1516 et sera pendant les années, et il deviendra pendant les années 30 et 40, une des figures plus influentes à côté du roi comme membre de ce groupe des théologues de cour. À ce temps-là, avec le statut d'évêque de Saint-Thomé en Afrique. Ils ont été aussi importants dans plusieurs autres affaires, comme la création et fonctionnement de l'Inquisition, comme recteur de l'université, représentant et informateur du roi au Concile de Trente. Et puis, il y en a ceux qui ont été prêcheurs du roi, comme Diogo Ortiz de Villegas, dont j'avais déjà parlé, qui s'est destaqué pour avoir prêché quand Gama retournait au Portugal de son premier voyage maritime en Inde, et l'année suivante, il a dit un sermon au moment du départ de la flotte de Cabral quand il partait pour la découverte du Brésil. Finalement, il prie pour la salut du roi et la prospérité de son royaume, une autre dimension que ne doit pas être oubliée ni dévaluée. Il faut souligner un autre champ où l'aide des évêques de cour fut précieuse pour la couronne, c'est-à-dire son apport financier. D'un côté, ils appuyaient le roi à recevoir subsides imposés sur le clergé. En 1516, par exemple, l'évêque de Lamego a écrit à tous les chanoines de sa cathédrale pour les presser à payer au roi un subside qui avait été négocié avec le pape. D'autre part, l'évêque de Ceuta, en 1514, fut l'exécuteur d'une bulle papale qui donnait au roi la possibilité d'utiliser revenus d'église pour l'expansion de la foi dans l'Empire. D'autres aidaient le roi à contrôler les revenus de l'ordre militaire de Christ et à créer des commandes dans les églises des ordres militaires que le roi utilisait après en faveur de ses clientèles séculières. À certains moments, quelques évêques donnaient eux-mêmes d'argent, des grosses sommes d'argent, pour aider la couronne, comme par exemple à la fin des années 20, pour que le roi puisse payer à l'empereur Charles V l'achat des Moluques en Orient. Et surtout, quand ils sont promus au diocèse, le roi les oblige à accepter le paiement de pensions sur les revenus des diocèses, lequel il distribue sur les clientèles ecclésiastiques de la couronne. Celui-ci était un des mécanismes plus importants pour la couronne pouvoir utiliser les revenus de l'Église au Portugal. Ils peuvent être aussi utiles pour le gouvernement local et l'affirmation de l'autorité du pouvoir central du roi dans tout le royaume et aussi dans l'Empire. Par exemple, en 1539, l'évêque du Porto a suggéré des mesures pratiques pour résoudre un problème de crise de pain dans la région et dans l'Empire. Ils pourraient assumer, et ils les ont assumés fréquemment, charge de gouvernement séculier au moment de la mort des gouverneurs ou des vice-rois. La cour était un espace vif et plein de factions et conflits. Les évêques ont aussi fait part de ces jeux. Il faut donc concevoir ces réseaux de relations dans une perspective dynamique, c'est-à-dire comme un processus. Je n'ai pas de temps pour le faire en profondeur, mais je reconnais l'importance de cette perspective analytique. Je voudrais seulement faire deux ou trois remarques à ce sujet. Parfois, quand le roi change et se transforme les relations à la cour, il peut avoir des problèmes avec quelques clercs. Dom Manuel Ier, par exemple, jusqu'à 1505, a eu la nécessité de dominer quelques prélats qui n'ont pas été choisis par lui-même et qui étaient clientèle du cardinal Georges de Costa, un puissant prélat qui avait conquisté des importantes positions à la cour portugaise au temps du prédécesseur de Manuel Ier et aussi au Saint-Siège. Sont connus les conflits en 1512 entre le roi et l'archevêque de Lisbonne, Martinho de Costa, qui était neveu de ce Georges de Costa. L'archevêque voudrait être proposé comme cardinal, mais le roi s'opposait puisqu'il voudrait le cardinalat pour ses fils. Plus tard, ils se sont réconciliés. Et c'était cet archevêque de Lisbonne qui, en 1517, a célébré le troisième mariage du roi, que l'année suivante a conduit Béatrice, une fille du roi, à la cour de Savoie pour y se marier avec Charles III, et en 1519 fut l'archevêque de Lisbonne élu grand chapelain de la princesse Isabelle, qui s'épuisera après avec l'empereur Charles Quint. Mais on trouve aussi générations d'évêques qui peuvent être fidèles serviteurs de deux monarques. C'était le cas de figures comme Miguel da Silva, dont j'avais déjà parlé, qui était ambassadeur de Dom Manuel Ier à Rome pendant plusieurs années. Il a retourné au Portugal pour devenir écrivain de Jean III et après évêque de Viseu, mais qui, en 1540, après sa promotion au cardinalat par le pape, a été obligé à escaper pour Rome parce que le roi le voulait chasser. Les équilibres de force à la cour puissent changer brusquement et provoquer la chute de certains personnages, comme par exemple Martinho de Portugal, qui a eu des disputes avec d'autres prélats et qui fut affasté du faveur du roi vers 1536 après son retour d'une ambassade à Rome. Ces bouleversements puissent affecter même des relations de confidence très solides et de longue durée. C'était le cas vécu par l'évêque de Lamego vers 1533, quand il a eu la désillusion de n'être pas choisi inquisiteur général, ce qui a provoqué son abandon temporaire de la cour, comme l'a noté le nonce de la Rovere. Plus tard, en 1536, il sera récupéré, nommé inquisiteur, et en 1540, il deviendra archevêque de Lisbonne. Je termine. Après son retour du Concile de Trente, vers 1547, l'évêque du Porto a suggéré que les décrets conciliaires devraient s'appliquer immédiatement au Portugal. Cette opinion, d'après une lettre que le cardinal Henri a écrite au pape en 1553, fut aussi défendue par quelques théologues de la cour et par quelques autres évêques. À cette année de 1553, le cardinal Henri, frère du roi, a préparé un texte avec beaucoup de principes déjà approuvés à Trente et qui se devait adresser par écrit à tous les évêques du Portugal pour qu'ils les appliquaient chez ces diocèses. Dans cette même lettre au pape, Henri disait que le roi avait concordé avec l'envoi de ce texte à tous les évêques et, en plus, il avait accepté de laisser d'utiliser les prélats à son service dans la cour et qu'il avait ordonné que tous les prélats fussent résidés dans ces diocèses. Cette mesure a tout changé. Les évêques ont commencé à résider la majeure part du temps dans ces diocèses, même ceux de l'Empire après la seconde moitié du VIe siècle. Peu avant de mourir, en 1557, Jean III a écrit à l'évêque de Ceuta, dans le nord d'Afrique, qui le demandait s'il pouvait aller à la cour pour faire le service de la reine. Le roi lui a expliqué qu'il devrait résider au siège épiscopal, comme il faut, disait le roi. « Et ça c'est pour votre bien, écrivait Jean III, et aussi pour la salvation des ouailles de votre gré, pour qui la présence de son pasteur est toujours nécessaire. Près du roi resteront seulement, d'habitude, l'archevêque de Lisbonne, parce que la cour est à Lisbonne, et surtout son grand chapelain, qui en règle avait aussi un titre épiscopal d'un diocèse in partibus infidelibus. Au Portugal, l'application des décrets tridentins a donc bouleversé le rôle que les évêques jouaient à la cour. Après 1553, les évêques, sauf en occasion exceptionnelle, comme mariage royal, réunion du Conseil d'État, réunion du Parlement, ne se trouvaient jamais à la cour du roi. Beaucoup d'eux ont continué à servir la monarchie dans ces diocèses et ont contribué décisivement pour l'intensification de l'affirmation de l'État et du pouvoir de la couronne sur le territoire du royaume et aussi dans l'Empire. Mais ils l'ont commencé à faire à travers de formes différentes du passé. Cette nouvelle phase, bien sûr, n'est pas le sujet de cette intervention.